femme africaine. Aïko le wetouan. Homme africain. Pepon Aïko le wetouan. Outaé ito tretale. Te kadasito esinobi. Outaé i Afrika tale. Te kadasito esinobi. Imo fonu mini kea kala. Bona mbolo Afrika to mitondo. Imo fonu mini kea kala. Bona mbolo Afrika to mitondo. Bona kuitana kivira. Kide mi kono piki we bono pi. Beyonce let opi wele. Kide mi kono piki we bono pi. Samori let opi wele. Ile mi koro piki we bono pi, ela jomale tonki wele. Ile mi koro piki we, ativina kwi mi tonka. Africa, Africa, Africa, la révolution ou la mort. Africa!

Il fait mouler fofo yen kouke. Il fait mouler enon yen kousi. Il fait mouler fofo yen kouke. Amedi moule nan mundo. Oh, il pa gbe yen menda. Ewe, nou veve yen wamu lo iwe. Eta ye du mousse iwe. Nou veve yen wamu lo iwe. Eta ye du mousse. sense. Oh, yeah, yeah, sense. Oh, yeah, yeah, sense. Oh, yeah, yeah, sense. Ti fè moule enonye kulo, ti fè moule fofonye kuke, ti fè moule enonye kusi, ti fè moule fofonye kuke, amede moule nam. Son vie en yoton, Mikawa, son vivo bonio, Joe, do Mikawa. Bon, mais bichin, pas pour ça, bon, que les ados nous conjouent. Benedile, bichin, pas pour ça, bon, azado nous conjouent. Beneto, Beneto. Beneto.